T'as vu, Sledge, mes cheveux, ils ont repoussé. C'est bien comme ça maintenant, mes cheveux? Salut à toi, jeune rôliste, que tu sois monsieur, madame, une personne non binaire, même que tu sois une personne âgée. Bienvenue sur les podcasts Outsiders sur le jeu de rôle. Et voilà, tout de suite une nouvelle vidéo. Et on va parler d'Oniris, on va parler de jouer des rêves. Dans les jeux de rôle. Ce rêve bleu. Non, je ne voulais pas parler de ce rêve-là, précisément. Alors, pour ça, j'ai fait venir un expert en la personne de ce doudou cassé. Dis-moi, doudou cassé, qu'est-ce que tu as à dire au sujet des rêves en jeu de rôle? I have a dream. Ok, merci. Je vais compléter parce que c'était un peu partiel comme témoignage. Donc, je vais vous dire un petit peu ma façon de penser à moi. Mais d'abord, il faut que je vous parle absolument du sponsor de cette vidéo. C'est un sponsor de taille qui va vraiment élever le débat. Ce sponsor, il s'agit des blagues de Gimli. Eh ouais, les blagues de Gimli, on en a tous besoin. Quand tu as envie de balancer une petite vanne handiphobe pendant tes parties de Donjons et Dragons, eh ben hop, tu génères une petite blague de Gimli, du genre Oh, nous les nains sommes des sprinteurs redoutables sur de courtes distances, ou encore, clic. Oh non, pas ma barbe! Bon, voilà, c'est rafraîchissant, c'est toujours de bon goût. Tout public, et donc on en profite bien. Tu as une promo sur les blagues de Gimli, hein, toujours en tapant le code promo Outsider 666. En plus, du coup, moi je touche ma petite com, donc c'est sympa. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Alors, cette fois-ci, ce chat en fait, maintenant il bouffe la caméra en fait. Avant, il était timide, mais maintenant il veut tout le spotlight. Hein. Ça n'empêchera pas de communiquer ce qui est vraiment le plus important sur le sujet, quoi. Donc, les rêves en jeu de rôle. En fait, là, je vais te parler à la fois des rêves des PJ, mais aussi des PNJ. Parce que tu verras qu'on peut éventuellement hacker, rentrer dans les rêves des PNJ. Donc, ça peut enfin, c'est intéressant que tu aies ça en tête. Un rêve en jeu de rôle, moi, si tu veux, il y a deux grands types. Il y a les rêves d'ambiance, voilà, ils sont là pour apporter une ambiance, éventuellement par exemple pour occuper une joueuse dont le personnage est endormi. Et il y a les rêves, en fait, qui sont plutôt des rêves qui ont des conséquences ludiques, ludo-narratives, pour employer un terme bien jargonneux. Et donc, on va en parler de tout ça. Mais d'abord, une question principale, quel que ce soit des rêves d'ambiance ou des rêves à conséquence, on va se demander le qui dit quoi, c'est-à-dire qui raconte le rêve. Eh ben, on peut éventuellement dire que c'est la joueuse qui décrit les rêves de son personnage, fait partie des propriétés de son personnage, c'est son monde intime, ou on peut plutôt estimer que c'est que c'est MJ qui le fait. Mais ça peut aussi, pourquoi pas, être d'autres joueuses, en fait. Du coup, ça peut amener par exemple à un moment exceptionnel de narration partagée dans un jeu de rôle un peu plus traditionnel. Bon, ben voilà, quand c'est le moment onirique, ben, ça fait un petit peu comme du MJ tournant. Pourquoi pas, on peut faire ça. Hein. Il y a aussi deux autres façons de catégoriser les rêves. C'est entre les rêves subis et les rêves lucides. Ben, les rêves subis, si tu veux, c'est les rêves comme on les fait toi et moi. C'est-à-dire que dans ces rêves, tu n'as pas vraiment de libre arbitre. Et en fait, c'est ton monde intérieur qui fonctionne à ta place. Donc, c'est des rêves qui peuvent être mis en scène un peu comme une cinématique, notamment par MJ, quoi. Ou racontés par la joueuse, mais c'est vraiment du coup, voilà, c'est une histoire d'un bloc. Y a pas de liberté d'action réelle pour le personnage. Et on peut parler de rêve lucide quand en fait le personnage conserve toute sa liberté d'action, tout son libre arbitre pendant le rêve. Et donc par exemple peut être un rêve qui est décrit par MJ, mais où la joueuse peut faire agir son personnage à sa guise. Le personnage a conscient qu'il rêve aussi. Et donc ça peut être un peu plus ludique à jouer quoi. Et les deux rêves ont leur intérêt, ont leur intérêt hein, quand même. Alors, je vais revenir sur ces fameux rêves, des rêves d'ambiance, ces rêves sans conséquence. C'est-à-dire que ça veut dire quoi sans conséquence? Ça veut dire que la fiction n'évolue pas, enfin, l'état des personnages, leur situation n'évolue pas après le rêve, quoi, hein. Le rêve n'a pas de conséquences sur le réel. Donc, ces rêves, à quoi ils servent, ces rêves sans conséquences? Eh bien, ils peuvent mettre en scène le passé ou encore les fantasmes ou la personnalité du PJ ou du PNJ, hein, si on parle de rêve de PNJ. Les rêves qui ont des conséquences, ça peut être par exemple dans un jeu horrifique, un rêve, en fait, une fois que tu l'as fait, il est tellement horrible que quand tu te réveilles, tu as perdu de la santé mentale, quoi. D'ailleurs, dans l'appel de Cthulhu, il semble que les rêves, tu peux aussi gagner des points en mythe de Cthulhu quand tu te réveilles, tu ne peux pas que des pertes de santé mentale, parce que tu es beaucoup plus aware, tu vois. Qu'est-ce que c'est les rêves avec conséquences? Eh ben, ça peut être des rêves qui sont des visions un peu de l'environnement extérieur, qui peuvent apporter des informations, voire des révélations, ou qui peuvent permettre, en fait, apporter des informations sous forme symbolique, et le PJ va en faire des déductions sur le réel, quoi. Ça peut aussi être des rêves prémonitoires qui permettent, par exemple, à MJ d'annoncer un événement du scénario que les PJ vont éventuellement pouvoir contrecarrer maintenant qu'ils en ont rêvé. Ça peut être aussi de permettre au PJ de redécouvrir un passé enfoui. Donc, là, par exemple, on considère que le PJ est amnésique et le MJ, on se sert du rêve pour lui faire faire un flashback en réalité. Les rêves aussi peuvent. Les rêves, comment? Les rêves avec conséquences peuvent faire l'objet d'un duel d'influence. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un PNJ qui va te parler dans ton rêve, qui peut d'ailleurs être l'avatar onirique d'un autre PJ ou voire de toi-même. Et en fait, ce PNJ, la personne qui te parle dans ton rêve va essayer de t'influencer, d'influencer tes décisions, quoi. Le rêve peut être aussi un point d'attaque, pourquoi pas, par exemple, pour un parasitage mental, voire même une inception, c'est-à-dire que quelque chose dans ton rêve essaye de changer ta personnalité, quoi. Et donc, on peut imaginer une scène de combat ou quelque chose pour empêcher ce parasitage ou cette inception. On peut aussi jouer sur le brouillage de réalité, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler les rêves, le personnage ne sait plus quand est-ce qu'il est dans le réel, quand est-ce qu'il est dans la réalité. Un plus bizarre encore, tu peux faire des rêves qui interagissent vraiment avec le réel, un petit peu comme deux mondes parallèles, mais qui peuvent échanger ensemble, communiquer ensemble. L'exemple que je donne souvent, c'est une partie de Forensa que j'avais faite, où en fait il y a le gardien du livre qui rêve, et dans son rêve il voit la gardienne du feu, alors c'est un avatar la gardienne du feu, c'est pas la vraie gardienne du feu, il voit un avatar la gardienne du feu jeter son livre sacré dans le feu, quoi. Et donc dans le rêve le gardien du livre essaie de sauver le il essaye de sauver en fait son livre du feu, mais pour ça il doit renverser le feu, le détruire, quoi. C'est le feu primordial, quoi, en gros. Et en fait, j'avais fait faire un jet de dés en opposition entre gardien du livre et gardienne du feu, puisque concrètement, si jamais il avait réussi à sauver son livre, il aurait détruit le feu, mais même dans la réalité, quoi. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé. C'est le livre qui a été, c'est le livre, je crois, qui a été détruit. Et le gardien s'est réveillé, il était même carrément brûlé. Enfin, voilà, il y a vraiment une grosse interaction entre le réel et le rêve. Tu peux aussi faire du rêve une zone d'échange, de dialogue. Nous, par exemple, quand on jouait à l'appel de Cthulhu, on utilisait les contrées du rêve un peu comme une sorte de Internet onirique. C'est-à-dire que les personnages, même s'ils étaient présents dans des époques ou des lieux différents, ils pouvaient en fait se retrouver dans les contrées du rêve, un peu comme si c'était une sorte de métaverse, quoi. Tu vois, et donc ils pouvaient dialoguer, échanger, alors qu'ils n'étaient pas du tout joignables pour le reste du temps, quoi. Et un peu dans le même délire, du coup, on peut-être utiliser les rêves pour faire du voyage dans le temps, c'est-à-dire que tu te projectes de façon onirique et ça permet de vivre des scènes du passé lointain, voire même peut-être pourquoi pas d'interagir, tu pourrais communiquer en rêve avec les rêveurs du passé ou du futur, quoi. Toujours le contrat des rêves le permettent, hein. Alors, faire un petit point mécanique, parce que voilà, on est comme ça, on aime bien se prendre le chou, on aime faire des mécaniques, mais avant, petit goûter. Et ouais, j'ai ici un gâteau à la pomme. C'est trop bon. En fait, c'est un gâteau à la pomme vegan. C'est mon épouse qui le fait. Alors, si ça t'intéresse, je pourrais essayer de te dégoter la recette. Bon, a priori, c'est une base gâteau yaourt avec des bouts de pomme, puis du sucre, un nappage de sucre dessus pour que ça fasse une croûte. Voilà, c'est mon petit péché de l'après-midi. Alors, la mécanisation, qu'est-ce qu'on peut faire comme mécanisation? Voilà, dans le rêve, s'il y a des confrontations, on peut faire des jets pour réussir des actions dans le rêve, quoi. Éventuellement avec des bonus, malus, oniriques, où on peut intervertir des caracs, c'est-à-dire que si, par exemple, au lieu de faire force plus bagarre, eh ben, tu vas utiliser esprit plus bagarre parce que tu es dans le rêve, quoi. Pourquoi pas d'ailleurs, si vraiment le rêve prend une place importante dans ton jeu de rôle, carrément il dédie une carac onirisme. Et donc, s'il y a toutes les actions dans le monde du rêve, ce serait onirisme plus bagarre, tu vois. On peut aussi, pourquoi pas, quand tu es dans le rêve, demander un jet de perception. Et si tu le réussis, tu comprends que tu es dans un rêve, quoi. Tout ça dans des situations où on fait un petit un peu un mélange entre le rêve et la réalité, quoi. Ça peut être intéressant de faire ces tests de réalité. Donc, ces jets de perception que tu feras à la fois dans le rêve et dans le rêve. Tu sais, la fameuse toupie dans Inception, c'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces rêves? Comment on va les peupler? C'est souvent la grande question. Moi, je te conseille très simplement de prendre la feuille de personnage du PJ, et puis tu vas piocher un ou deux éléments de son historique ou de ses caracs et tout, et tu vas broder une histoire symbolique à partir de ça, quoi. Toujours sur la mécanique, pourquoi pas, on pourrait avoir une compétence rêve lucide qui permet d'agir dans le rêve, voire même carrément de modifier la réalité, tu sais, à la Doctor Strange, carrément modifier, ou à la Matrix, où tu pourrais modifier la réalité du rêve, quoi. Et puis, comme j'ai déjà précisé avant, pourquoi pas carrément faire des jets de dés entre un personnage dans un rêve versus un personnage dans le réel, quoi. Donc voilà, j'espère que je t'ai un petit peu apporté des billes pour jouer un peu plus l'onirisme à ta table de jeu. Écoute, si toi-même tu as expérimenté de jouer les rêves ou si justement tu as un rapport d'expérience différent du mien, eh ben, tu sais que les coms sont là hein, pour ça. Et là-dessus, petit chat mignon, voilà. Hop, petit chat mignon, il nous dit au revoir. Au revoir, petit chat mignon. Hop, alors, petit chat mignon, tu dis au revoir au YouTubeur. Bisous les bisous.